yo, Tokyo, konnichiwa. Je sais pas trop ce que je fous là. Je parle à peine japonais. Furansu Jindana. J'ai passé 2 semaines chez toi en bouffant au McDo cette fois. Pas même un sushi local. Mais c'était le panard. Je sais pas où je vais. Oh bah c'est à nous qu'il faut que j'aille. Ta ville est si belle, mais elle me fout sur la paille. Je parle franc-ponais. Je veux une crêpe de girafe et mon peluche. Un petit paix. Konnichiwa, je sais pas trop ce que je fous là. Je parle à peine japonais. Nihonjin janai. J'ai passé 2 semaines chez toi. J'ai eu mal à mes pattes au gaz. Faut dire que les converses, c'est pas fait pour la marche. Je sais pas où je vais. Oh bah c'est à nous qu'il faut que j'aille. Ta ville est si belle, mais elle me fout sur la paille. Je parle franc-ponais. Je veux une crêpe de girafe et mon peluche. Un petit paix. C'est pas très clair.